La 19e foire internationale printanière de Pyongyang aura lieu du 23 au 26 mai à l'exposition des Trois Révolutions à Pyongyang. Y prendront part plus de 220 compagnies coréennes, nouvelles-zélandaises, allemandes, russes, romaines, malaisiennes, mongoles, singapouriennes, chinoises, cambodgiennes, thaïlandaises, australiennes, iraniennes, italiennes, indonésiennes, vietnamiennes, cubaines et de Taipei de Chine. Y seront présentés les produits des sciences et techniques avancées de divers secteurs tels que les industries électroniques, mécaniques, métalliques, de matériaux de construction, de transport, alimentaire et de consommation courante.